vie est fade comme la poussière. Mon démon intérieur ne me laisse aucun répit. Les paroles malveillantes laissent des cicatrices profondes qui restent ouvertes. Que puis-je faire? Ma vie se résume à subir du mépris et à survivre dans la souffrance. Pourquoi est-ce à moi de porter le chapeau alors que je ne suis pas fautif? Noblesse et misère, serait-ce de la chance? Quel sera mon choix entre le chemin d'épines et celui de rosée? Au lancer de cette pièce, je céderai ou je résisterai? Si je ne suis que la marionnette de mon destin, quel est mon rôle dans cette intrigue où l'espoir est vain, est vain? Oh death, I own my fate. Life, oh death, I own my fate. Ma vie n'est que souffrance. Suis-je assez digne d'un bonheur et d'une chaleur éphémère? La vie m'amène les âmes avec véhémence, mais elle offre parfois des pièces par clémence. Je ne devrais pas exister. Quel sera mon choix entre le chemin d'épines et celui de rosée? Où lancer de cette pièce, je céderai ou je résisterai? Se libérer de ces fils n'est qu'une utopie pour une marionnette. Ton cœur est le sang des rats. Belloc t'apportera la solution. Je refuse d'en. Je serai mon propre maître. Je m'en remets au destin, car il incarne ma volonté. Quel sera mon choix entre le chemin